Puis nous partîmes. Réconforté du cordial accueil, le peintre apportant sa sonnaille qui était superbe, et nous, toute une provision de pastèques et de grenades frais cueillies, dont Bermond et Bermondette voulurent, malgré les protestations, bourrer la voiture. À plusieurs mois de là, flânant de nouveau par ces parages, je me trouvais un jour, trimballé dans le char à bancs découvert, élevé au rang d'omnibus, qui laissa Graveson et sa gare solitaire. Une élégante provençale, sans doute la femme de quelques mariniers du Rhône, car elle portait comme agrafe à ses mousselines une sorte de galère en nacre, était montée avec moi. Pendant que le conducteur, vieux royaliste pétrifié, qui depuis la mort d'Henri V ne veut plus parler qu'à ses bêtes, fumait sa pipe silencieusement, nous causâmes. Ma voisine était d'Arles, en effet, mariée à un marin de la Roquette. Elle allait à Graveson embrasser son petit dernier et porter du sucre à la nourrice. « Et vous, monsieur, vous allez à Saint-Rémy ?»« Non, seulement à Mayenne. »« Chez monsieur Frédéric, alors. Vous y verrez mon frère, qui s'y trouve depuis 3 jours. »« Ah, votre frère connaît Mistral ?»« Eh oui, Pécaïre, ce n'est qu'un paysan. Son métier est de faire des murs de pierre sèche. Mais il sait lire et écrire, il a de bonnes manières. Et alors, que voulez-vous ? Il fréquente des fois avec les gentilshommes. »